c'est fou. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Vous êtes à C'est fou. 89.1. Trois-Rivières. Vous êtes à C'est fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Tout le monde, bienvenue sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez pour la prochaine heure En piste avec Tania Baudin. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, eh bien, ça fait déjà quelques semaines que l'émission existe, peut-être même encore une année parce qu'on était là l'année dernière durant la saison estivale. Mais pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement l'émission, pendant une heure de temps, on va discuter de courses automobiles et on va écouter de la musique country parce que c'est un style de musique que j'aime quand même beaucoup. Et bien évidemment, la course automobile me fait et une de mes passions depuis plusieurs années. Alors, on a tout simplement décidé d'en faire une émission de radio comme ça. Et comme à chaque semaine, depuis maintenant, on doit être rendu quasiment à notre 10e là, de la saison. Je veux pas dire n'importe quoi, il faudrait que je m'informe exactement on est rendu à combien, mais je pense qu'on est rendu dans les deux chiffres pour cette saison-ci en 2016. Comme à n'importe quelle émission de la saison, je vais vous présenter le plan de la journée, le plan de la journée de la prochaine heure, oui, parce que on est peut-être pas ensemble pour les prochaines 24 heures, mais pour la prochaine heure au moins. Alors bien évidemment, on va faire un retour sur les dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce que c'est le retour des vacances pour moi personnellement. J'étais pas là la semaine dernière, comme vous avez pu entendre, mais j'ai quand même été présente dans plusieurs événements différents, dont, entre autres, le Grand Prix de Trois-Rivières. On diffusait en direct sur le terrain du Grand Prix, moi et mon cher partner Mathieu Plante. Alors, de ce côté-là, vous avez pu entendre En piste avec Tania Baudin quand même tôt, vendredi et samedi matin. C'était avant l'événement des courses. Donc, bien évidemment, si on se fiait à l'horaire de la journée, c'était une heure, peut-être même deux heures d'avance pour le vendredi. On a vraiment pris le temps de faire une très, très bonne émission puisque la journée commençait en théorie le vendredi, simplement à midi. Alors, on va faire un retour sur ce qui s'est passé justement au Grand Prix de Trois-Rivières parce qu'on n'en a pas vraiment discuté la semaine dernière. J'étais absente. On va aussi discuter de ce qui s'est passé durant la dernière fin de semaine. Il y avait une course NASCAR Canada du côté de Riverside, c'est-à-dire du côté de l'Est canadien. On va aussi discuter Formule 1 parce que ça fait quelques temps qu'on n'en a pas discuté. Les gars sont en vacances, eux aussi, depuis quelques temps. C'est leur gros break d'été, là. Ça arrive une fois par année, puis c'est là. Donc, on devrait retourner à l'action cette fin de semaine, mais on va quand même discuter de Formule 1 parce que hier, dans l'émission Assemblage Reiki avec Mathieu Plante, si vous vous souvenez ou si vous étiez à l'écoute, tout simplement, je le rappelle, chaque mardi de 14h à 17h, voilà, c'est fait. si vous vous souvenez, on a discuté des Jeux olympiques et on a aussi discuté de certains athlètes qui devaient payer des taxes sur leurs médailles ou sur l'argent qu'ils faisaient au courant d'une année. Donc, comme n'importe qui, ce sont des gens qui travaillent, qui reçoivent des paychecks. Alors, de ce côté-là, on doit nécessairement, à la fin de l'année, de payer nos taxes au gouvernement. Et ça m'a tout simplement amené la question, qui sont les pilotes qui gagnent le plus d'argent? Alors, c'est quelque chose qu'on va voir un petit peu plus tard dans l'émission. On va aussi discuter de Toyota Canada qui s'est mis dans l'eau chaude un petit peu récemment, la dernière semaine. Et bien évidemment, on va faire notre fameux tour du web. C'est quelque chose qu'on fait à chaque semaine en temps normal. J'espère que vous êtes prêts parce qu'En piste avec Tania Baudin commence dès maintenant. Et Et comme je l'ai dit en début d'émission, je suis quelqu'un qui aime la musique country, mais je sais que je ne suis pas la seule. Salutations à ma cousine qui m'écoute de son commerce à chaque mercredi. Caroline, merci beaucoup. Et on va tout simplement débuter cette émission-là avec une pièce musicale de Maren Morris. Ça fait quelques fois que j'entends certaines nouvelles pièces de cette chanteuse country-là, et je suis tombée sur une de ses nouvelles pièces récemment sur Spotify qui s'appelle 80s Mercedes, et c'est la pièce qu'on va écouter dès maintenant. À tout à l'heure. Mercedes de Maren Morris. Je vous le dis, quasiment à chaque émission, ce sont tous des pièces musicales que vous pouvez retrouver sur Internet. Et bien évidemment, vous pouvez aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux pour retrouver les artistes. C'est du country américain et du country canadien bien souvent qui va jouer dans l'émission. Donc, comme ça, c'est beaucoup plus facile pour vous de savoir si vous voulez chercher sur Spotify dans une playlist bien distincte ou quoi que ce soit. Et je tiens aussi à m'excuser en avance si jamais vous entendez des bruits de construction. Parce que, oui, vous savez, je pense que depuis le début 2016, l'édifice ici a reçu, mon Dieu, on est peut-être rendu à 120 semaines de construction. Mais ça drille à côté de moi et ça fait des trous dans les murs. Alors, de ce côté-là, je suis désolée si vous entendez des messieurs de la construction travailler, mais on améliore l'édifice. Alors, de ce côté-là, on va pas se plaindre. Et comme je l'ai disais tout à l'heure, on fait toujours une espèce de retour sur ce qui s'est passé durant les dernières semaines. Bien souvent, c'est la semaine tout juste avant qu'on entre en onde. Mais comme j'étais en vacances... Là, ouais, ça a fait du bien, inquiétez-vous pas. Comme j'étais en vacances, eh bien, on n'a pas nécessairement eu le temps de discuter des événements qui s'étaient passés au Grand Prix de Trois-Rivières durant la deuxième fin de semaine. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que oui, on avait été en direct, on était là sur le terrain, Mathieu et moi, deux matins d'événements, et on a vraiment eu... OK, peut-être pas du beau temps, honnêtement, parce que les deux matins, il mouillait quand même beaucoup. Mais par la suite, on a eu des journées pas trop mal pour avoir de belles courses. Et c'est vraiment ce qui était plaisant. Et ça a vraiment été plaisant aussi de faire la radiodiffusion en direct là-bas. On tient à remercier encore une fois GoVR qui nous avait fourni un studio mobile. C'était parfait. On était à l'abri de la pluie. On était à l'abri de pas mal n'importe quoi, en fait. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait nous distraire. Et ça, c'était vraiment merveilleux. Je tiens aussi à remercier Mathieu Plante, parce que pour ceux qui le savent, Mathieu, c'est pas le plus grand amateur de course automobile ou même de sport au monde. Et ça, il le sait lui-même. Et on en rit souvent, que ce soit dans l'émission Assemblage requis ou tout simplement à l'extérieur des ondes. Et Mathieu s'est vraiment forcé cette fin de semaine-là parce qu'il est arrivé avec des faits sur les voitures, il est arrivé avec des faits sur la course automobile. Alors, j'ai vraiment l'impression que Mathieu a eu du fun malgré tout, même si c'est pas un amateur de course automobile. Et il avait gentiment dit oui à venir m'aider de ce côté-là. Alors, encore une fois, merci Mathieu. Pour ce qui s'est passé sur la piste exactement, le Grand Prix Trois-Rivières, c'est toujours un événement qui nous fournit plusieurs séries pendant un très gros week-end. Et ça n'a pas déçu encore une fois cette année. Ça a été vraiment un très bel événement, comme je le disais, malgré la température qui était peut-être pas la plus géniale qu'on a vue durant un événement du Grand Prix Trois-Rivières, mais il y avait quand même d'excellentes courses et parfois peut-être que justement cette fameuse météo-là a avantagé certains pilotes comparés à d'autres. Alors, on va tout simplement débuter par la série NASCAR. Bien évidemment, c'était la série qui était peut-être la plus attendue cette fin de semaine-là en piste. On avait nos préférés qui étaient là, entre autres les Dumoulin, les deux frères Dumoulin qui viennent d'ici. On sentait aussi cette fameuse frénésie-là autour des deux pilotes et eux qui aiment toujours bien se faire quelques jokes et quelques blagues par rapport à qui va remporter l'épreuve ou qui va terminer sur le podium. Et de ce côté-là, malheureusement, ni un ni l'autre a terminé sur le podium. Par contre, on a eu le droit à de très, très belles performances des deux pilotes. Je tiens à dire entre autres aussi que les deux pilotes étaient présents durant la semaine. Si je me souviens bien, c'est le jeudi avant l'événement du Grand Prix Trois-Rivières du côté du port pour l'inauguration, disons ça comme ça, ou l'annonce officielle d'un trophée perpétuel. Donc, qu'est-ce que le trophée perpétuel? Ça a été annoncé justement le jeudi avant l'événement du Grand Prix Trois-Rivières pour la série NASCAR directement. Ce sont vraiment des gens, des bénévoles qui donnent beaucoup, beaucoup de leur temps à l'approvisionnement du Grand Prix de Trois-Rivières, qui ont décidé de faire quelque chose de différent cette année, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs événements qui ont cette fameuse formule-là de trophée perpétuel, et c'est quelque chose qu'on a décidé de faire de notre côté aussi. Alors, pour ce qui est de la série NASCAR Canadian Tire, le gagnant de cette course-là, j'ai dit NASCAR Canadian Tire, mais c'est NASCAR Pinty's, je vais me faire frapper sur les doigts par plusieurs personnes si je dis ça encore une fois, mais NASCAR Pinty's. Alors, de ce côté-là, on a pris vraiment un réservoir d'essence qui est utilisé en course lorsqu'on fait les arrêts au puits du côté de la série. Et on l'a tout simplement amélioré, bien évidemment, et on en a fait un trophée. Alors, on a pris les gagnants de chaque année depuis que la série NASCAR Canada vient ici à Trois-Rivières et course sur le circuit urbain. On a pris chaque gagnant, et chaque gagnant a sa plaquette présentement sur le trophée perpétuel. Et par la suite, on va ajouter, tout dépendant des nouveaux gagnants, une autre plaquette avec leur nom dessus. Donc, c'est vraiment un trophée qui va revenir à chaque année. C'est super beau. C'était aussi en... Vous pouviez aller vous prendre en photo durant le week-end avec le trophée dans les paddocks de la série NASCAR Pinty's. J'espère que vous avez été plusieurs à le faire, parce que c'est vraiment une très bonne idée. On tient à remercier ces bénévoles-là qui donnent de leur temps et qui ont décidé de faire quelque chose de très, très, très spécial pour la série NASCAR Pinty's. On peut pas se mentir, ça n'a peut-être pas été la course que plusieurs personnes s'attendaient que ça serait. Là, j'ai l'impression que peut-être que je vais décevoir du monde si je dis ça comme ça. Mais oui, il y a eu beaucoup... Il y a eu beaucoup d'activités en piste, bien évidemment. Le circuit du Grand Prix Trois-Rivières, c'est un circuit urbain. Donc, automatiquement, ça l'ajoute certains challenges de plus pour les pilotes. Les murs sont très, très près ici. Donc, oui, il y a des accrochages qui arrivent. Mais peut-être qu'on se serait attendu à avoir plus de trapeaux jaunes. C'est un petit peu la même situation que l'année dernière. C'est un 50 tours. C'est pas très, très long. Mais ça l'a quand même donné un excellent spectacle. Et c'est Kevin Lacroix, pour une deuxième année consécutive, qui a réussi à monter sur la plus haute marche du podium. On pouvait sentir que Kevin était vraiment content de gagner deux fois de suite sur ce circuit-là. Le circuit de Trois-Rivières, c'est vraiment un circuit qui est légendaire maintenant, on peut le dire. Donc, peu importe qui va se ramasser sur la première marche du podium dans n'importe quel type de série, ça devient spécial pour eux. Et c'est vraiment quelque chose que l'on pouvait voir dans les yeux de Kevin. Donc, c'était vraiment très très plaisant à voir de ce côté-là. Andrew Rangé a monté sur la deuxième marche du podium pour... je veux pas faire d'erreur, mais je pense que c'est pour une neuvième année consécutive qu'il se retrouve sur le podium à Trois-Rivières. Et Alexandre Tagliani qui a pris la troisième position de son côté. Il y avait aussi la catégorie Porsche GT3 Canada. Ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont restées surpris parce que c'était pas nécessairement la première fois qu'on voyait la série Porsche venir ici du côté de Trois-Rivières. Par contre, on avait plusieurs pilotes en piste, ce qui est vraiment... Je veux pas dire exceptionnel pour la série, mais c'est vraiment bien et c'est quelque chose qui justement montre aux amateurs que les pilotes veulent venir aussi courser au Grand Prix Trois-Rivières. Alors de ce côté-là, Daniel Morad et Scott Hargrove ont continué leur bataille exceptionnelle du début de la saison parce que ce sont deux pilotes qui s'échangent les têtes, les positionnements en tête et en face du peloton. Depuis vraiment le début de la saison, depuis la première course à Mosport en début d'été. Alors de ce côté-là, Daniel Murad, Scott Hargrove, c'est vraiment les pilotes qui sont remontés sur le podium le plus souvent durant le week-end du côté de la Porsche GT3. Il y avait aussi la Nissan Micra, on en avait discuté plusieurs fois. On avait discuté aussi que... On avait donné certains pilotes à surveiller durant la fin de semaine et on avait misé, bien évidemment, sur Xavier Coupal, qui était le meneur au championnat. Xavier Coupal a aucunement déçu les amateurs de course automobile qui étaient là parce qu'il a remporté les deux épreuves. C'est lui qui a remporté les deux épreuves sur la piste. Par contre, la première épreuve, on a eu une petite pénalité du côté de Xavier Coupal. Alors, c'est Stephen Radzinski, finalement, qui avait gagné la première épreuve, mais Xavier Coupal, au moment de passer le drapeau à Damier, c'est lui qui avait été dit champion de cette course-là. Il y a aussi Olivier Bédard qui a réussi à monter sur le podium à chaque fois. Malheureusement, Olivier, l'année dernière, avait gagné les deux épreuves de son côté. Vraiment, cette année, je pense que la compétition avec Xavier Coupal est assez grande. Il y a plusieurs pilotes qui étaient en piste qui essayaient de rattraper Xavier Coupal. Il y a plusieurs événements aussi qui se sont produits en piste, entre autres certains accrochages qui est arrivé de... Peut-être pas parmi Xavier et d'autres pilotes, mais vraiment parmi des pilotes en peloton. Et ça l'a vraiment donné un excellent spectacle. Si je me souviens bien, on avait aux alentours d'une vingtaine de voitures. Et ça l'a vraiment démontré aux amateurs que c'est pas parce qu'on a le bolide le moins vite ou un des bolides les moins rapides en piste durant le week-end qu'on peut pas nécessairement faire un excellent spectacle. Alors de ce côté-là, c'était vraiment très, très bien réussi. Je veux vraiment aussi discuter de la série Mazda Prototype qui en était à un retour au Grand Prix de Trois-Rivières après plusieurs années d'absence. Ça faisait 13 ans exactement qu'il n'était pas venu avec la série IMSA. Alors de ce côté-là, c'était le fun à voir. On n'avait peut-être pas le nombre de pilotes espérés, mettons, en piste. Par contre, ça a réussi encore une fois à donner un beau spectacle et on aurait entendu là, comme ça, là, on aurait reçu certains murmures à nos oreilles dans la salle de presse comme quoi il y aurait pas mal plus de pilotes l'année prochaine si la série Mazda Prototype revenait. Alors de ce côté-là, j'espère que c'est quelque chose qui va arriver. J'espère qu'on va recevoir plus de pilotes dans cette série-là parce que automatiquement, c'était de très belles courses, c'était de très beaux bolides et on a pu voir en piste un pilote qu'on avait déjà vu au Grand Prix de Trois-Rivières, entre autres sur le podium, qui était Max Henratty. Max avait déjà coursé en Formule 1600 il y a quelques années avec l'équipe Spectra Premium et voilà, qui était gouvernée à... au moment qu'il est venu courser ici à Trois-Rivières, c'était gouverné par Rémi Lantaigne, un trifluvien. Donc, l'ingénieur avait fait un excellent travail cette année-là. Et j'ai aimé ça, revoir Max Enrighty à bord d'une voiture au Grand Prix Trois-Rivières. Il n'a pas perdu la twist parce qu'il était quand même terminé deuxième. Alors, très, très bonne fin de semaine de son côté, lui aussi. Mais j'ai vraiment hâte de voir si l'année prochaine, on va pouvoir amener justement autant de pilotes et peut-être même plus de pilotes sur la piste, parce que ça donnerait un vraiment, vraiment très beau, là je dis très beau parce que on veut pas qu'il y ait trop d'accidents là, comme il y en a eu cette année dans la série, mais ça serait vraiment un très beau spectacle parce que, comme je le disais, les voitures sont belles, ce sont des voitures qui ont un super de beau son aussi, alors c'est vraiment tout le temps le fun à voir. Je vous disais aussi que ça avait coursé du côté de Riverside Speedway, c'est-à-dire en Nouvelle-Écosse cette fin de semaine. Ça l'a pas super bien été pour plusieurs pilotes qui étaient en piste. On n'avait peut-être pas le nombre de pilotes espérés là non plus. Par contre, la Nouvelle-Écosse, on le sait, c'est quand même assez loin. Alors, il y a plusieurs pilotes ontariens qui avaient tout simplement décidé de pas participer à cet événement-là, calculant les points au championnat et tout ça. On devait peut-être pas perdre beaucoup de points. Alors, pour certains, on est resté du côté de l'Ontario. Mais les Dumoulin ont quand même très bien fait. Je parle de Louis-Philippe Dumoulin, qui lui aussi a terminé sur le podium, si je me souviens bien. Et celui qui a vraiment remporté l'épreuve, c'est celui qui en avait impressionné plusieurs du côté de l'Ouest canadien. Je parle de Caden Lapcevich, le plus jeune pilote en piste dans la série NASCAR Pinty's cette année, seulement 16 ans. Et là, il en est à sa deuxième victoire, ce qui lui donne la tête du championnat pour le moment. Je dis ça comme ça. Ah, ça serait quelque chose à voir. Si Caden Lapcevich réussit à avoir une très belle fin de saison comme il l'espère l'avoir, j'ai l'impression que peut-être que cette année, en 2016, on pourrait avoir le plus jeune champion de la série jusqu'à présent qui pourrait monter très haut. Caden Lapcevich, qui l'année dernière avait pas nécessairement déjà coursé sur des circuits urbains, qui avait pas nécessairement fait de circuits routiers, c'était vraiment un pilote habitué au circuit ovale. Donc de ce côté-là, pour lui, l'année dernière, c'était vraiment une année apprentissage. Et cette année, on parle de plusieurs courses où ça l'a super bien performé. Malheureusement, du côté de Trois-Rivières, on a eu des accrochages, mais par la suite, on a réussi à se rattraper en course. Et j'avais moi-même discuté avec lui avant l'épreuve, et il me disait qu'il se sentait vraiment en sécurité et il se sentait aussi en pleine possession de ses moyens. Et j'avais discuté avec lui parce que, pour ceux qui se souviennent, on en avait déjà discuté lorsque la série NASCAR Pinty's avait coursé à Toronto un petit peu plus tôt durant la saison, durant l'été. Ça avait pas super bien terminé pour Caden Lapcevich, malheureusement. Alors je lui ai demandé, c'est le même type de circuit ici que tu retrouvais à Toronto. Est-ce que c'est quelque chose qui te rend peut-être un petit peu plus nerveux de ce côté-là? Est-ce que tu te sens quand même en pleine possession de tes moyens? Il me disait oui, en fait, j'aime beaucoup plus ce circuit ici à Trois-Rivières que le circuit de Toronto. Il dit, j'ai l'impression que c'est moins agressif comme circuit. Alors de ce côté-là, ça lui a permis vraiment d'avoir de l'assurance en piste. Et ça a vraiment été super à voir parce qu'il a super bien performé. Alors c'était le retour de ce qui s'était passé depuis que j'étais partie en vacances. On a réussi à faire un petit wrap-up du Grand Prix de Trois-Rivières deuxième week-end et ce qui s'était produit du côté de Riverside Speedway en fin de semaine. On va faire une petite pause musicale et par la suite, on va discuter argent et Formule 1. On va aller écouter I Know Somebody du groupe Low Cash. Girl, I never seen you in this town. If you need somebody to show you around with, I know somebody. It's a little too loud to talk in here. In your eyes are saying you wanna disappear. Well, I know a place and I know somebody. Somebody with a gas up truck sitting right outside. It's ready to roll if you're ready to ride. Sunroof roaming with the moonlit sky. Yeah, I know a guy, I know somebody. What you want tonight? I know somebody. And you're looking right in his eyes. I know somebody. I know somebody. And I know tell your friends that you know somebody that makes you laugh, that can get you home, that might make you fall before the night is gone. So come on, you know I'm that somebody. Somebody with a cast of truck sitting right outside, it's ready to roll if you're ready to ride. Sun coming with the moonlit sky. Yeah, I know a guy, looking for a girl like you, could fall in a kiss or two. Baby, tell me what you wanna do, 'cause I know somebody with a gas up truck sitting right outside is ready to roll if you're ready to ride. Sun coming with the moonlit sky. Vous êtes toujours à l'antenne de C'est fou 89.1 FM pour l'émission En piste avec Tania Baudin. Vous l'aurez deviné, je suis Tania Baudin. Je ne suis pas en remplacement d'eux, mais c'est bien moi. On est de retour de vacances. Ça fait du bien, mais je pense que j'ai l'impression des fois, ça ferait encore du bien d'avoir des vacances pour se remettre des vacances. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense qu'il y en a plusieurs qui se sentent comme ça aussi. Je suis probablement pas la seule qui pense ça. Mais souvent, ça fait du bien de revenir au travail comme ça, de revenir derrière le micro et d'animer avec vous. C'est toujours très, très plaisant. Alors, tout simplement, comme un petit rappel, la pièce qu'on a entendue avant la pause, c'est « I Know Somebody » du groupe Low Cash, un groupe américain. Alors, si jamais vous cherchez, allez-y du côté américain. Tout à l'heure, on va avoir un petit peu de country canadien, mais pour le moment, je me suis dit pourquoi pas discuter argent, bidou, bidou, bidou, chling, chling. Puis Formule 1, bien évidemment, parce qu'on le sait que c'est souvent une des disciplines en course automobile qui va coûter le plus cher, oui. Mais c'est souvent peut-être ceux-là qui vont gagner le plus cher, justement. Alors, comme je le disais un petit peu en début d'émission, hier, on a discuté, Mathieu et moi, dans l'émission Assemblage requis, des athlètes qui se voyaient faire de l'argent, mais qui devaient aussi redonner de l'argent. Alors, je me suis posé la question, qui étaient les meilleurs pilotes de Formule 1 avec le meilleur salaire? Et c'est le site totalsporttech.com. Vous pouvez aller voir, il parle pas simplement de course automobile, il y a plusieurs autres sports aussi. Mais si ça vous intéresse, c'est super comme site internet. J'avais jamais entendu parler de ça avant ma recherche, mais ça a vraiment une belle source d'informations. Alors, si jamais vous cherchez, allez faire un tour. C'est vraiment génial. Et justement, ils établissent chacun des pilotes de la saison 2016, où est-ce qu'ils se situent par rapport à leur barème monétaire. C'est-à-dire pour l'année. Alors, pour certains, c'est bien évidemment des contrats qui viennent avec les écuries. Par exemple, si on parle de Sébastien Vettel, si on parle de Lewis Hamilton, Fernando Alonso, c'est vraiment la même chose. Bien souvent, l'argent va venir directement des écuries qui les engagent. On parle souvent aussi des écuries qui sont les plus payantes, mais qui sont aussi Les plus avantageuses en course, c'est souvent comme ça que ça va revenir. On parle entre autres de Ferrari, Mercedes, Red Bull et ce genre d'écurie-là. Alors bien évidemment, c'est les écuries qui ont le plus d'argent, qui la plupart du temps vont rouler en avant. Bon, ça c'est quelque chose qui est pas nouveau pour le monde de la course automobile, on le sait, surtout pas en Formule 1, ça fait des années qu'on en parle. Mais pour ce qui est des pilotes, parfois c'est quand même intéressant de voir la différence entre certains pilotes de la même écurie par rapport au salaire. Parce que si on regarde par exemple Sébastien Vettel, lui a un contrat de 3 ans, donc on y va de 2015 à 2017. C'est 30 millions, oui, 30 millions. Par année, oui, et 50 millions garantis la première année. C'est quand même pas pire comme contrat. Et là, on parle aussi de bonus qui viennent s'ajouter à ça par rapport aux performances durant les Grands Prix. Alors, de ce point de vue-là, Sébastien Vettel serait A, le pilote de Formule 1 le mieux payé en 2016, et il serait aussi l'athlète au monde le mieux payé, athlète toutes catégories confondues. Il serait en théorie en 2016 un des meilleurs athlètes payés pour faire ce qu'il fait aujourd'hui avec l'écurie Ferrari. Alors j'ai comme l'impression que si Sébastien Vettel avait resté chez Red Bull, on en serait peut-être pas là, parce qu'on sait que oui, ce sont quand même des très bonnes écuries, ce sont des grosses écuries aussi, mais peut-être que Red Bull a pas le même type de budget de ce côté-là. Alors ça fait au total 150 millions sur 3 ans pour Sébastien Vettel. C'est quelque chose qui se prend quand même bien. Hein? Si on regarde par exemple Kimi Raikkonen qui lui est dans la même écurie, on a signé un contrat, ben en fait c'est une extension d'une année, donc c'est pour 2016, c'est cette année. On parle de 7 millions plus des bonus de 10 millions si jamais on a de belles performances durant les Grands Prix. Donc on voit la différence. Il y en a un qui gagne 50 millions, l'autre il en gagne 7. Ah, c'est ça. Il doit pas être syndiqué, hein, eux autres. Du côté de Mercedes, si vous regardez Lewis Hamilton a un contrat, lui aussi, de 3 ans et il a renouvelé déjà. Donc, c'est un nouveau contrat de 3 ans. On parle de 31 millions de dollars par année, salaire fixe par année. Et par la suite, on a des bonus par année allant jusqu'à 10 millions. Donc, si on calcule ça comme ça, parce qu'on le sait que Lewis Hamilton performe quand même super bien en Formule 1 cette année, que ce soit cette année, que ce soit en 2015, et probablement aussi en 2017, si ça reste comme ça, lui, il s'assure quand même un autre 10 millions par année en performant comme il performe. Alors, on comprend peut-être aussi cette fameuse pression-là que certains pilotes ont en Formule 1 de bien performer, d'avoir une bonne... d'avoir une bonne... alliance avec l'écurie qui avec qui il travaille, parce que c'est quand même 41 millions de dollars sur par année. Fait que si on fait x3, là, laissez-moi le temps de sortir la calculatrice, mais ça fait quand même 123 millions de dollars sur 3 ans. Ça le rend le deuxième pilote de Formule 1 le mieux payé en 2016. Pas payé. Moi, je pense que c'est quelque chose que pas mal d'entre certains d'entre nous prendraient là, comme paycheck, mais bon. Si on regarde en comparaison avec Nico Rosberg, lui, est dans son contrat de 2015 à 2017 et pour les 3 années consécutives, donc c'est pas à chaque année, là, si on combine vraiment les 3 ans de contrat, on parle de 55 millions. Mais sur 3 ans, tu sais, il fait comme... la moitié de l'autre. C'est fou, là. Puis on s'entend que Nico Rosberg, bien souvent, il va être derrière Lewis Hamilton. Il sera pas nécessairement 12 positions plus loin, là. Il va soit être deuxième ou troisième ou encore peut-être même quatrième au pire des cas. Mais bien souvent, lorsqu'on voit les écuries Mercedes en piste, c'est Lewis Hamilton et Nico Rosberg qui vont se battre à la tête. C'est un petit peu comme ça que ça se passe présentement en 2016. Alors, est-ce que Nico Rosberg va arriver et va vouloir redealer son contrat à la fin de l'année 2016? Peut-être, parce qu'on se souvient que l'année dernière, c'était pas nécessairement comme ça. Mais là, 55 millions pour 3 ans, tandis que l'autre, c'est genre 123 que j'avais dit. C'est une bonne différence pour simplement être en arrière du gars qui gagne les courses, tu sais. Pour être deuxième, là, c'est méchant. C'est méchant. Moi, je trouve ça méchant. OK, peut-être pas méchant, mais il y a une très, très grande différence du côté des deux pilotes. C'est quand même assez remarquable. Si on parle de Daniel Ricciardo du côté de Red Bull, parce que c'est une des bonnes écuries aussi, on parle... Attendez, là, je suis en train de lire qu'on a renégocié les termes financiers du contrat et ça l'a vraiment amélioré le contrat de 5,5 millions par année, plus une garantie de salaire et de bonus si jamais lui aussi il performe bien. Donc, apparemment que 2016 serait sa dernière année sur le contrat présentement. Est-ce que ça va être renouvelé pour 2017? On ne le sait pas encore, mais Daniel Ricciardo, si on va voir la différence avec Max Verstappen, parce que c'est Max Verstappen qui est devenu son coéquipier avec Red Bull, eh bien, lui, par exemple, Max Verstappen, c'est un contrat de vraiment plusieurs années. On n'a pas vraiment de contrat de fin. On n'a pas de fin de contrat pour le moment. C'est vraiment plusieurs années contractuelles qui les lient, entre autres aussi avec Toro Rosso, parce que c'était Toro Rosso qui l'avait au début. Alors, on parle de 512 000 $ par année pour Max Verstappen. 512 000 comparé à 5,5 millions. C'est une très bonne différence, hein, moi, je trouve. C'est pas tout le temps fair, on dirait. Fernando Alonso, lui, a un maximum de 40 millions par année, incluant les bonus. Et là, ça, c'est un contrat de 2 ans. C'est 2015 et 2016. Ça, c'est du côté de l'écurie McLaren. Si on regarde, par exemple, Jenson Button, qui lui aussi est chez McLaren, on parle... Lui, on parle d'un contrat de vraiment un an en 2016 et on parle de 11,6 millions pour l'année. Donc, Fernando Alonso, 40 millions. Jenson Button, 11,6. C'est fou quand même quand on y pense. Et malheureusement, hier, le débat en fait, c'était de savoir jusqu'à quel point est-ce que tu devais redonner une partie de ce que tu avais gagné lorsque tu es un athlète olympique ou est-ce que tu es un athlète professionnel du côté des États-Unis. Et malheureusement, j'ai pas réussi à trouver quelle était la différence avec les pilotes de Formule 1. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on doit en redonner? J'imagine que oui, parce que ce sont des travaux, c'est une job. Alors, de ce côté-là, on doit nécessairement faire nos impôts, mais est-ce que jusqu'à quel point ça peut être aussi remarquable que les pilotes, que les athlètes olympiques, en tout cas, les athlètes qui étaient du côté des Jeux olympiques de Rio 2016, voilà. C'est assez impressionnant, les salaires des pilotes en 2016, du côté de la Formule 1, en tout cas, je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. Il m'est venu aussi un article sur Internet, le même site Internet, totalsporttech.com, d'un petit top 5, et j'ai le goût de vous le présenter. C'est vraiment très intéressant à lire. En fait, c'est le top 5 des plus jeunes champions en Formule 1 dans toute l'histoire de la Formule 1. Alors, on débute le top 5 avec Michael Schumacher, qui, en 1994, a gagné le championnat à l'âge de 25 ans. C'était un des plus jeunes à ce moment-là. Alors, bien évidemment, on se souvient que Michael Schumacher, c'est quand même une bible. Je pense que ça va rester un des meilleurs pilotes dans l'histoire de la Formule 1, toutes catégories confondues, bien évidemment. Là, c'est quelque chose qui est assez remarquable. Si on y va avec la quatrième position, c'est Emerson Fittipaldi en 1972, qui lui aussi avait 25 ans à ce moment-là. Alors, le pilote brésilien, lui, a vraiment triomphé dans les temps où la Formule 1, c'était assez commun de voir des accidents mortels en piste. Alors, il était avec l'équipe Lotus à ce moment-là et il a réalisé à un certain moment qu'il allait pouvoir être le champion le plus jeune en histoire. Il a été signé au moment où que Joshin Rindt a lui été malheureusement tué à la suite d'un accident en course automobile à Monza en 1970. Alors, il était tout simplement pilote remplaçant et c'est lui qui a réussi à partir avec le championnat à l'âge de 25 ans. Alors, il était un des plus jeunes pilotes. En numéro 3, on retrouve en 2005 Fernando Alonso qui lui l'avait fait à l'âge de 24 ans. Alors, on peut dire ce que l'on au vœu rendu en 2016 de Fernando Alonso, mais ça a été un des bons pilotes qui nous a été amené par le monde de la course automobile et par le monde de la Formule 1. Alors, on le sait, c'est un des pilotes peut-être les plus complets apparemment sur une grille de départ présentement. On parle qu'en 2005, il est devenu un des plus jeunes champions. Si je me souviens bien, oui, j'ai dit 24 ans. Alors, c'était à ce moment-là le plus jeune champion au monde avec l'équipe Renault. Et ça a créé une espèce de challenge vraiment très, très fort avec Kimi Raikkonen, qui était du côté de McLaren à ce moment-là. Et simplement 25 ans à ce moment-là. C'est bien. C'est super. Hein? Tu sais, j'ai hâte de voir jusqu'à quel point Max Verstappen un jour va peut-être pouvoir les accoter, ces fameux pilotes-là. En numéro 2, on retrouve en 2008. Alors là, si on se souvient, Fernando Alonso, c'était en 2005. Il était à ce moment-là le plus jeune, à l'âge de 24 ans. 2008, Lewis Hamilton arrive dans le portrait et à l'âge de 23 ans, il devient le plus jeune pilote à remporter un championnat complet du côté de la Formule 1. Alors, c'était avec l'équipe McLaren de son côté et... Bien évidemment, il se battait contre le champion défendant Fernando Alonso. C'est pas la première fois que ces deux pilotes-là se battaient, hein? On se rappelle que ce sont deux grands rivaux du monde de la course automobile en karting lorsqu'ils ont commencé. Mais quand même, c'est super intéressant à voir. Et le plus jeune... Jusqu'à présent, 2016, c'est encore lui qui détient le titre du plus jeune champion. C'est Sébastien Vettel qui, lui, s'est pointé le bout du nez en 2010 à l'âge de 23 ans. Alors, on se rappelle, Sébastien Vettel avait un petit peu épaté la galerie avec l'équipe Red Bull. On disait que Red Bull était une des meilleures équipes à ce moment-là. Et c'est aussi à cause de cette performance-là que Sébastien Vettel s'est vu voir une place au sein de l'équipe Ferrari, on se souviendra. Mais quand même, c'était quelque chose. Il avait déjà fait ses débuts en 2007 avec l'équipe Sauber BMW et par la suite, on avait décidé de se rendre chez Red Bull en 2010. Alors, c'est vraiment en 2010 qu'on a commencé à réaliser qui était Sébastien Vettel, vraiment parce qu'il y avait une performance qui était un petit peu plus remarquable que ses autres performances dans les années dernières. Mais c'est cette saison-là aussi qu'on a pu voir le pilote le plus jeune prendre la tête du championnat à simplement 23 ans. J'imagine que ça aussi, ça rentre en ligne de compte selon leur paiement. Tout à l'heure, on discutait de combien est-ce qu'ils gagnent. J'imagine que si tu as déjà des titres de champion à ton curriculum vitae, ça doit améliorer ton sort monétaire aussi. Genre, j'ai comme l'impression que ça joue dans la mire aussi. Ah, oh, on sait pas, hein? Au retour de la pièce musicale, on va parler de Toyota Canada qui s'est mis dans l'eau chaude un petit peu plus tôt cette semaine. On va discuter justement de ça brièvement, mais vous allez voir, c'est pas tout le temps le fun. Alors, on va écouter Cold Day Coming de Jason Benoit qui, lui, est un chanteur country canadien. On se retrouve tout de suite après ça. I'm gonna take a couple of days and try to wrap my head around, girl, what you just said. This summer started hot as hell. It didn't take too long to feel that weather change. Now it's a bit too late, 'cause there's a cold day coming when I won't be around. I get up out of this town, won't be holding you tight on Saturday night when the sun's going down. Yeah, well, it's a good day, baby, to finally face the truth. There's a cold front tearing all through, won't be holding you close. Well, everyone knows all the hurtful things you do. Yeah, well, there's a cold day coming, I won't be loving you. Oh, oh, oh. Lay it all on the line. There's no point to stay, girl, if you won't even try. So if you can't make me feel the love and view the flames of fire back up right here tonight, it's gonna be winter in It's the truth. There's a cold front tearing all through. Won't be holding you close. Well, everyone knows all the hurtful things you do. Yeah, well, there's a cold day coming. I won't be loving you. This is how it's gonna be, yeah, baby. I'm gonna see you, baby. Some other place, some other time. And when you feel the chill, I'm gonna cross your mind. Cause there's a cold day coming, and I won't be around. I get up, baby, out of this town. Won't be holding you tight on Saturday night when the sun goes down. Yeah, well, it's a good day, baby. Finally face the truth. There's a cold front tearing all through. Won't be holding you close. Well, everyone knows all the hurtful things you do. Yeah, well, there's a cold day coming. I won't be loving you. Oh, il y a des moments comme ça où j'ai pas vraiment le choix de mettre une petite intro pour vous rappeler que vous êtes toujours à l'écoute d'En Piste avec Tania Baudin pour les dernières 10 minutes de l'émission. Bien oui, c'est seulement une heure. C'est triste, mais peut-être que ça va changer au courant des prochaines diffusions. Alors, restez à l'affût des informations, que ce soit sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin ou encore la page Facebook de Cifou 89.1 FM. Ça devrait être annoncé peut-être d'ici quelques temps, alors vraiment restez à l'affût de l'information. Tout à l'heure, je discutais avec vous que Toyota Canada s'était mis les pieds dans l'eau chaude. Je vais vous lire une poursuite et une condamnation qui a été faite à l'Office de la protection du consommateur du Québec. Alors, on parle de Toyota Canada, bien évidemment, qui a plaidé coupable le 23 août dernier, donc hier, c'est vraiment tout frais. L'Office de la protection du consommateur annonce que Toyota Canada a plaidé coupable le 30 juin dernier à Longueuil à 6 chefs d'accusation portés en vertu de la loi sur la protection du consommateur. L'entreprise a été condamnée à payer des amendes totales de 180 000 $. Le constructeur automobile était accusé d'avoir fait diffuser en septembre 2012 sur les ondes de différents réseaux de télévision du Québec des publicités sur des offres de financement à 0 % qui ne tenaient pas compte dans le calcul du taux de crédit du rabais consenti à l'acheteur qui choisit de payer comptant. Je sais, il y a des gens qui arrivent chez le concessionnaire puis ils mettent la palette de cash sur le comptoir. Ça arrive. Mais c'est vrai, ces gens-là, bien souvent, on ne les calcule pas nécessairement dans ces fameux taux de crédit-là ou dans les calculs ou les rabais ou quoi que ce soit. Alors, ces rabais pouvaient atteindre jusqu'à 4 000 $ pour certains modèles, ce qui portait le taux de crédit calculé conformément à la loi à des pourcentages annuels variant de 2,45 à 4,14. La publicité liée aux offres de financement, elle, en matière de publicité liée aux offres, la loi sur la protection du consommateur et son règlement impose aux commerçants un ensemble de règles afin que le consommateur puisse disposer des renseignements requis pour faire un choix éclairé. Donc, pour éviter toute représentation trompeuse sur le prix ou sur le taux de crédit, la loi, elle, oblige les commerçants à inclure dans le calcul du taux de crédit la valeur du rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paye comptant. Et bien évidemment, il y a 6 chefs d'accusation différents. On parle de plusieurs poursuites dans le secteur automobile. L'Office de la protection du consommateur a entrepris entre 2014 et 2015 7 poursuites exactement contre autant de constructeurs automobiles au sujet du calcul du taux de crédit. Donc, les amendes réclamées totalisaient plus de 1,5 million $. Toyota Canada est la 4e des entreprises poursuivies à reconnaître sa culpabilité dans le monde de la publicité. Et le site web, bien, c'est un outil quand même assez incontournable pour avoir toutes les informations par rapport à ça. J'imagine que si vous allez sur le site Internet de Toyota Canada, on n'en parle pas nécessairement de ce côté-là, mais on a dû faire quelques corrections du côté de la publicité. Ça, c'est quelque chose qui ne doit pas avoir changé. On va faire le tour du web présentement parce que on a encore quelques minutes pour le faire. Puis Toyota Canada a pas pris tant de temps que ça. Alors du côté du tour de web, si vous allez du côté de poleposition.ca, il y a un des articles d'Éliane Gilin qui est sorti le 22 août qui est très très très très pertinent. On parle en fait d'un de nos Québécois qui est Jesse Lazare qui domine encore le championnat de la Coupe Porsche GT3, mais là attention, pas Canada, américain. Alors il reste que 3 événements à la saison de la Coupe Porsche GT3 USA et la série est sanctionnée par IMSA. Le Montréalais Jesse Lazare domine le championnat et la classe platine avec 173 points, soit 26 points de plus que le deuxième au classement Lucas Catania. Et ce dernier était premier au championnat jusqu'à la 7e course de la saison à Watkins Glen. Puis Lazare a par la suite pris la tête. C'est l'année dernière que Jesse était arrivé en 2e place au championnat. Jesse Lazare qui était un des pilotes qui, même lorsqu'il conduisait... que ce soit en monoplace ou que ce soit en karting, c'était un pilote qui était très, très, très remarquable sur la piste parce qu'il avait une façon bien à lui de conduire en karting ou en monoplace et c'est un petit peu ce qui faisait son image à lui. Alors, je suis quand même très contente de voir que du côté de Jesse Lazare, ça se passe bien du côté des États-Unis et je suis contente aussi qu'on donne à nos pilotes québécois qui ont décidé de... Je ne veux pas dire s'exiler, là, mais qui ont décidé de ne pas nécessairement faire carrière au Canada. On leur donne cette opportunité-là d'exposure. C'est super le fun. On parle aussi de F4 sur le site de poleposition.ca. Une première victoire pour Camille Laliberté, qui lui aussi est un pilote canadien, pilote québécois. Alors, on est super contents. Ça faisait quelques années qu'il était parti du côté de l'Europe. Ça se passait peut-être pas comme il l'espérait, mais de ce côté-là, on commence à voir certains résultats. Résultats menés à la suite de nos efforts. Alors, de ce côté-là, je suis très contente pour Camille. Camille, qui était lui aussi un pilote du côté du karting. C'est rare que les pilotes ne viennent pas du monde du karting, honnêtement, que ce soit canadien, européen ou américain. La plupart ont tous fait de la course automobile du côté du monde du karting. Si on va du côté de flagworld.com, on parle de l'écurie Renault qui débute sa préparation d'avant-saison pour la Formule E. Donc, l'écurie Renault a débuté la défense de sa couronne avec le coup d'envoi des essais officiels d'avant-saison à Donington Park. Sébastien Buemi, qui est le champion 2015-2016 chez les pilotes, et son coéquipier Nicolas Prost, Nicolas Prost, et troisième l'année dernière, ont tous deux pris place au volant des Renault ZE16 sur le circuit pour le premier essai des 6 jours qui allaient suivre. Donc, on est là quand même pendant un bon moment. Mais pour la première de ces 3 journées d'essai-là, les monoplaces arboraient une livrée provisoire noir et blanc. La décoration définitive n'est pas vraiment dévoilée pour le moment. C'est quelque chose que l'on va devoir voir un petit peu plus tard pendant la saison. Alain Prost, qui est copropriétaire de l'équipe, pour ceux qui se souviennent, Alain Prost est un ancien pilote de Formule 1 dans le temps de... James Hunt, Niki Lauda, puis tout ça. Alors, Ayrton Senna aussi, c'était un des grands rivaux d'Ayrton Senna. Et, il disait lui-même qu'ils avaient 2 objectifs en débutant le dernier championnat, c'était remporter les titres équipe et pilote. Et cette année, les objectifs restent exactement les mêmes. Pour eux, ils ont conscience du défi qui les attend, mais ils sont très, très prêts pour pouvoir relever tout ça. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui ne savent peut-être pas qu'est-ce que la Formule E, eh bien, la Formule E, c'est un petit peu la Formule 1, mais électrique. Ça fait pas nécessairement un super de beau bruit. Peut-être que c'est agressant, même, à la limite. Mais ça donne de très beaux spectacles lorsque vous regardez ça à la télévision. Alors, faites un tour et restez à l'information quand que ça va débuter pour la saison. Si vous avez été devant votre télévision pour regarder du IndyCar en fin de semaine, vous avez probablement vu un des incidents les plus... je sais même pas comment le décrire. Un des plus loufoques, un des plus bizarres. On dirait qu'on sait juste pas qu'est-ce qui s'est passé. En IndyCar, en fin de semaine, il y a 3 pilotes exactement à la sortie de la ligne des puits qui se sont rentrés dedans de façon assez phénoménale. Helio Castroneves quittait justement son stand quand la voiture d'Alexander Rossi avait déjà été heurtée par celle de Charlie Kimball. Alors, on parle ici de la voiture de Charlie Kimball qui est rentrée dans Alexander Rossi et par la suite, Alexander Rossi Rossi et Charlie Kimball ont tous les deux comme rentré dans Helio Castroneves. La voiture d'Alexander Rossi, elle, a été expédiée dans les airs et a atterri sur celle du pilote brésilien. Il y a une de ses roues, puis un petit peu le reste de sa voiture qui est passée à quelques centimètres de la tête d'Helio Castroneves. Hier, Alexander Rossi écrivait sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout ça, qu'il était quand même très, très content qu'Helio ait absolument rien, quelques égratignures au pire des cas, mais c'est un accident qui aurait pu être très, très grave, surtout dans la ligne des puits. Mais si vous regardez la vidéo, je vais le mettre sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin, il n'y a aucun problème avec ça. Si vous regardez la vidéo, honnêtement, on ne comprend absolument pas comment est-ce que ça s'est passé. Donc, on a toutes les voitures au stand, on voit la voiture de Charlie Kimball arrivé derrière Alexander Rossi. Et par la suite, Helio Castroneves lui sort de son stand et malheureusement, il est simplement victime de ce premier accrochage-là. Mais Charlie Kimball, il regardait où, genre? Il faisait quoi, tu sais, comme... C'est ça. En fait... Si vous regardez, il y a plusieurs vidéos qui ont sorti sur Internet à plusieurs moments différents. Il y en a qui ont des prises de vue différentes une de l'autre. Si vous regardez le tout, on dirait que c'est comme un mauvais call des éclaireurs en IndyCar. C'est peut-être ce qui s'est passé. Honnêtement, on n'a aucune explication à ce sujet-là jusqu'à présent. Helio Castroneves, lui, dit que c'est surtout dommage, bien évidemment, parce que la voiture était quand même dans un bon état, puis il se sentait d'attaque pour la journée. Il venait d'avoir un excellent pit stop. Alors, de ce côté-là, lui, il a juste été victime de tout ça. Il dit, soudainement, moi, j'avais une voiture au-dessus de moi. C'était un peu étrange, pour être honnête. Les gars de l'équipe ont bossé vraiment dur pour essayer de réparer la voiture, mais il y avait beaucoup trop de dégâts. C'est clairement pas de chance pour eux. Ils vont devoir se remettre à une autre épreuve par la suite. Il était troisième au moment où il a fait son pit stop. Alors, de ce côté-là, c'est juste malheureux. C'est le monde de la course automobile, mais honnêtement, lorsque vous allez voir le vidéo, vous allez voir que c'est pas... On comprend juste pas. C'est déjà tout. Je viens de voir l'heure. Il est 15h01. Donc, restez en ondes parce que Mathieu Plante s'en vient pour le Mathieu Plante Show. C'est déjà la fin de l'émission. Déjà, c'est triste. On va se laisser avec Record Year de Eric Church. Une pièce qui, je trouve, finit bien une émission qui parle de course automobile. À la semaine prochaine. Bye. Since you turned the tables on me, I've been steady learning longer, keeping this turntable spinning. Everything from Jones to Jennings, slowly planning my survival in a 3-foot stack of vinyl. Since you had to walk out of here, I've been happier. I bet you thought before you left, I just sit in silence by myself, turn this house into a jail, dying slow in a living hell. But love's got a funny way of keeping score, and you're leaving lit up my scoreboard. I usually make it through Saturday sober, all bets are off when I flip her over. One bourbon, one scotch, one beer, I'm having a record year. Cutting oats and Hank's halftime, on this heart of mine, song to song, I pass my time with these speakers on 10. Your good and gone keeps me up all night, along with songs in the key of life. I'm either gonna get over you or I'm gonna blow out my ears. Yeah, you're out there now doing God knows how, and I'm stuck here having a record year. Drop it in the groove, and we go round and round and down in a spiral. I guess I really ought to call and thank you. I rediscovered red-headed stranger, got down with old James Brown and found new grass revival. If you find your way back, I owe you a beer for my record year. On 10. Your good and gone keeps me up all night, along with songs and having a record year.